Curo Biasso de Paul Arène, lu par Clémentine pour audiocité.net. De maître, Curo Biasso n'en avait jamais eu qu'un. Le vieux Safurian, dit cinq hommes, braconnier de son état et tailleur de pierre à ses moments perdus, qui tous les jours, pendant 2 ans, l'emmena battre les bois et les ravines, lui apprenant également à flairer le gendarme et la perdrix. Une nuit, on assassina un brigadier. 5 hommes, qui craignaient les méchantes langues, s'en alla en Piémont par le chemin des montagnes, et sa femme, presque sa veuve, vendit Curo Biasso au sergent-major d'un détachement qui passait. Mais au bout de 3 semaines, la brave bête s'en revenait, maigre, traînant au cou un morceau de chêne. La vie de caserne, apparemment, ne lui avait pas convenu. Ce qu'il lui fallait, à lui, c'était les joies de la chasse et de l'affût, la vie en plein soleil le long des torrents clairs et des côtes sèches parfumées de marjolaine. C'était l'odeur de l'herbe, l'odeur de la piste, les fontaines froides qu'on lappe, la grappe gonflée dont on s'inonde la gueule entre 2 lignes de vigne, sans s'arrêter de courir ni d'aboyer. C'était le gibier forcé, déchiré, avec du sang et du poil aux babines. Puis le repos à l'ombre, les bonnes heures de paresse, le sommeil sous les étoiles et le réveil matinal à la fraîcheur quand la caille chante, quand les oisillons vont boire et que le lièvre, se secouant, lève les oreilles hors du gîte au ras de l'herbe mouillée de rosée. Quelques amis du vieux Saint-Côme, les braconniers, Dieu merci, ne manquent pas chez nous, firent des avances à Curo Biasso, mais depuis son voyage, notre déserteur tenait l'homme en défiance, se rappelant avoir été attaché. Tout compte fait, il préféra se passer de maître pour vivre seul, sans collier, à la barbe des forestiers et des gendarmes, aussi libre au milieu de ses champs et de ses bois que les chiens musulmans dans les ruelles de Constantinople. Où dormait-il ? On l'ignore. Il devait, j'imagine, varier ses gîtes, couchant au bel air d'été et l'hiver sous un hangar de ferme ou bien dans ses cabanettes ouvertes, en pierre sèche, que bâtissent les gens de campagne pour s'abriter de la pluie. Curo Biasso, c'est-à-dire vide Bissac, on l'avait surnommé ainsi à cause de ses fredaines, fut bien vite devenu la terreur des paysans. Tandis qu'ils étaient au travail, en train d'arracher la garance ou de faire feu de leurs outils sur les cailloux d'une olivette, que de fois n'avait-on pas vu Curo Biasso, flairant le sol et le vent, se raser comme un chat, glisser le long d'un mur, entre 2 sillons, et arriver ainsi jusqu'au bissac jeté derrière le travailleur, dans l'herbe ou sur les mottes. Les paysans riaient tous, les premiers, de trouver ainsi leur goûter envolé. « Encore un tour de Curo Biasso, » disait-il. « C'est un maître chien. Il vit tout seul comme l'ermite de Lure. » Et ils se contentaient, une autre fois, de suspendre leur bissac à une branche de figuier. Mais Curo Biasso alors se dressait sur ses pattes de derrière et sautait après le bissac comme le renard des fables devant sa treille. Ajoutons, à l'honneur de Curo Biasso, qu'il faisait ce métier seulement au gros de l'été, quand la terre brûle et que la piste est sans odeur. Les peaux rouges volent bien, eux aussi, lorsque la chasse ne les nourrit plus. Avant tout, Curo Biasso était un chasseur incomparable, fin comme l'ambre et d'un tel nez que, disait-on, rien qu'à flairer l'eau d'une source, il devinait le soir quel oiseau y avait bu le matin. Personne mieux que lui ne découvrait où gîte le lièvre, où loge la caille, où s'éveille la perdrix. Quant au lapin, ils savaient par cœur leurs moindres terriers, les chemins qu'ils se font dans l'herbe et aussi les ronds de terre piétinée parsemés de petites crottes où ils vont, ces graves animaux, assis sur la queue et remuant le nez, tenir leur conférence au clair de lune. Kurobiaso devint légendaire. On racontait sur lui des choses étonnantes, que les loups étaient ses amis et que souvent il s'associait avec le renard pour courir un lièvre sur la neige. Les gardes, il les reconnaissait d'une lieue, se fussent-ils déguisés en évêques avec la crosse et la mitre. Le plus souvent, Kurobiaso battait les bois pour son compte. Quelquefois aussi un chasseur, immobile, le fusil entre les jambes, écoutant ces deux chiens donner de la voix à un quart de lieue, entendait tout à coup trois chiens au lieu de deux. C'était Kurobiaso qui, rôdant par là, venait se mettre de la partie pour le plaisir de chasser en société. Car, par un souvenir de sa vie d'autrefois, Kurobiaso aimait toujours l'odeur de la poudre. Nous nous en allions un jour, mon père et moi, le long de la Durance, large en cet endroit autant que la Seine à Paris, courant à faire peur et froide comme une eau de neige. Léda, notre chienne, venait d'être mordue au nez par une vipère en quêtant sous un genévrier et bien qu'immédiatement frictionnée d'alcali, elle avait la tête lourde, le regard malade. Je la menais tristement en laisse au bout de mon mouchoir. Mon père, de fort méchante humeur à cause de la journée perdue, marchait devant, son fusil en bandoulière. Tout à coup, je l'entendis crier « Kurobiaso, hé ! Kurobiaso !» Sur l'autre rive, Kurobiaso, en train de chasser comme nous, s'était arrêté pour boire et lapait une petite mare d'eau claire au milieu des osiers et des galets. « Kurobiaso ! Kurobiaso !» Mon père aurait bien voulu continuer sa chasse avec lui. Mais Kurobiaso buvait toujours et paraissait s'inquiéter de nous autant que d'une belle paire de gendarmes. « Attends un peu !» fait mon père en épaulant son fusil pour tirer en l'air. Le coup part. Kurobiaso dresse l'oreille, il voit la fumée, il flaire la poudre, et le voilà qui saute à l'eau comme un perdu, le voilà nageant, le museau levé à travers le courant froid qui l'entraîne et gambadant de joie à nos pieds sur le sable tout inondé. Le pacte était fait. Kurobiaso ne nous quitta plus de tout le jour. Il nous fit encore tuer deux pièces et voulut bien partager notre goûter sous un arbre. Le soir, une fois la chasse finie, il nous accompagna quelque temps du côté de la ville, mais du plus loin qu'il aperçut des maisons, il nous laissa. Et n'allez pas croire que notre héros eut cette mine craintive et malheureuse des chiens errants qu'on traque de partout. Superbe, net et luisant, il devait, étant devenu un peu bête fauve, se léchait tous les matins du bout du nez au bout de la queue, ce vagabond-là aurait fait honte au chien de riche le mieux soigné. Seulement, à force de courir dans les mottes sèches, l'herbe et les pierrailles, il finit par avoir le poil des pattes couleur d'amadou, comme un lièvre. Malgré les gardes et les gendarmes, Kurobiaso vivrait peut-être encore, mais ainsi qu'il convient à un héros, Kurobiaso devait être vaincu par l'amour. Un soir de juin, il s'en venait, longeant l'ombre des murs par le chemin de Clarcombe. Or, en passant devant une habitation moitié ferme, moitié château, il aperçut dans un coin de la cour, au dernier soleil, sa tête fine posée sur ses pattes étendues, une chienne de race qui rêvait. Kurobiaso, à l'ordinaire, se tenait loin de l'habitation des hommes. Cette fois, il passa la grille fièrement. Kurobiaso ne déplut point trop. La chienne se leva, secoua sa fourrure blanche, s'étira un moment, toute droite, sur ses pattes couleur de feu, puis, faisant un grand saut, elle vint frotter son museau rose sur l'échine du coureur de bois. Un instant de plus, et il y avait mésalliance. le maître, en train de dévisser un leu faucheux, descendit du perron pour chasser la bête plébéienne qui voulait encanailler son chenil. Curo Biasso s'en alla, mais en montrant les dents. La chienne eut peur, les pintades s'enfuirent, et le paon, qui du haut d'un mur regardait le soleil se coucher, s'abattit lourdement sur les tuiles d'un hangar. Curo Biasso revint le lendemain à la même heure. Il trouva la grille de la cour fermée et ne put caresser son ami qu'à travers les barreaux. Il revint encore le surlendemain, puis le jour qui suivit, et ainsi pendant une semaine. Il maigrissait, il ne prenait plus goût à la chasse, c'était une pitié de le voir. Il finit même par ne plus quitter les environs de la ferme. Mais la patricienne avait compris. Un matin, elle brisa sa chaîne, franchit la grille et vint trouver sur le chemin Curo Biasso qui l'attendait. Tous deux s'enfuirent côte à côte vers le bois en se mordant au museau. On ne les revit pas de toute la sainte journée. Le soir, à la nuit tombante, ils s'en revenaient ensemble du côté de la ferme, Curo Biasso fièrement, l'autre un peu honteuse, quand tout à coup, vers l'entrée du bois. « À vous, garde! Les voilà !» Un coup de feu, Curo Biasso tombe. « Il en a !» dit le garde en sortant du fourré, son fusil déchargé à la main. La chienne, toute tremblante, léchait le sang qui coulait sur le pelage fauve de Curo Biasso. « Ici, Diane !» cria le maître. Et c'est ainsi que, pour avoir aimé, Curo Biasso mourut un soir au coin d'un bois, sur la mousse et l'herbe, ouvrant encore l'œil avant d'expirer au cri plaintif de Diane, sa belle maîtresse, combattait. Tiré 2 Conte de Provence.